Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes, jeux de rôle, jeux vidéo ou jeux de société. Tout nous intéresse comme vous êtes de plus en plus nombreux à l'entendre. Alors aujourd'hui encore un thème qui agite beaucoup de monde puisqu'on va parler indépendance dans le jeu, voire même avant-garde, osons les grands mots. Et pour en discuter avec nous, on va accueillir donc Pierre Corbinet, alias Pierrec, qui tient le site OuJeuxVipo, qui est, si je résume un peu, une sorte d'observatoire de jeux potentiels, mais surtout un observatoire du jeu indépendant, si on peut résumer comme ça. Est-ce que je me trompe, Pierre? Non, pas vraiment. Bah oui, je m'intéresse plutôt sur le jeu Vipo, aux jeux vraiment expérimentaux. Donc c'est presque indépendant par défaut, si on veut. Enfin, jamais cherché à couvrir particulièrement le jeu indépendant, si on veut. C'est juste qu'il se trouve que les trucs les plus expérimentaux que je vois, ils vont être là-dedans. Alors justement, tu parles de jeux expérimentaux. Qu'est-ce qui définit, et j'ai bien conscience que c'est un exercice de style, qu'est-ce qui définit un jeu expérimental? Bon alors c'est pas facile à dire évidemment. Moi j'ai tendance à considérer que tous les jeux sont des expériences en soi puisque bon à l'opposé par exemple je sais pas du cinéma ou de la littérature là on va être l'acteur du média. Donc du coup voilà pour moi tous les jeux sont des expériences. Après du coup un jeu expérimental ça serait un jeu qui est une expérience originale qui est une expérience qu'on n'a pas encore vécue à travers un jeu vidéo jusqu'à présent. Moi je l'ai décrirais comme ça. Mais ça veut dire que du coup, finalement, les premiers jeux qui sont arrivés, je sais pas, moi je vais dire sur Kinect, c'est des jeux expérimentaux? Oui, en un sens. Alors moi, c'est pas ce auquel je vais m'intéresser, mais oui, je pense que vous pourrez dire ça. Enfin, je ne m'y connais pas vraiment sur le sujet, mais j'imagine que avant que la Kinect sorte, d'autres personnes avaient déjà fait des expériences sur le mouvement, avant, voilà, avant la Kinect de Microsoft. Donc peut-être qu'en fait, les expérimentaux, ils étaient déjà là avant Oui, bah sur ce oui, il y point. avait déjà des choses, notamment en art numérique. Voilà. Alors du coup, ça va m'amener une question plus tard, mais je vais quand même revenir sur ma première question, puisque je te demandais en quoi ça consistait un jeu expérimental. Et donc tu dis qu'effectivement, les jeux, par exemple comme Kinect, c'est pas le jeu auquel tu t'intéresses. Comment tu définis, du coup, comment tu choisis les jeux auxquels tu vas t'intéresser sur ton site? Alors moi déjà, je ne me consacre sur le site qu'aux jeux gratuits, déjà d'une part. Vraiment gratuit, hein, pas ce qui est free to play ou quoi que ce soit. Je m'intéressais qu'aux jeux jouables sur PC. Donc ça limite là aussi, et déjà là il se trouve qu'on va être presque exclusivement déjà dans de l'indépendant. Que ce soit du coup des choses vraiment d'une scène revendiquée expérimentale, ou que ce soit du jeu Flash sur des portails de jeux Flash ou HTML. Et ensuite donc voilà, l'autre chose qui va définir, c'est simplement l'originalité. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce jeu-là, mais même un tout petit aspect intéressant que j'ai l'impression de jamais avoir vu ailleurs, c'est je vais avoir envie d'en parler, et je vais avoir envie de pointer du doigt cet aspect de ce jeu. Alors, Et il y a aussi du coup, enfin, moi du coup je cherche particulièrement du côté des game jams aussi, puisque j'aime beaucoup l'idée de création sous contrainte, que je trouve qui va beaucoup jouer sur la créativité, et les game jams, puisque ça consiste à créer un jeu en 48 heures ou plus ou moins sur un thème donné, ça correspond parfaitement à cette idée de contrainte. Et je trouve beaucoup de productions assez originales là-dedans. Effectivement, on en reviendra sans doute à la production générale, que ce soit du jeu ou d'autres, sous contrainte. Moi, il y a un truc qui me frappe toujours quand je vais sur l'OuJeuxVipo, c'est la classification qui est totalement différente de ce qu'on peut connaître dans la presse spécialisée, par exemple, puisque en fait, c'est non pas une classification par genre, type jeu de shoot machin, c'est une classification par temps. Comment tu es venu justement à cette classification un peu étrange? Bah en fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé l'OuJeuxVipo, que je savais pas forcément ce que je faisais, du coup, je traînais sur les sites de jeux en ligne, les sites de jeux Flash, tout ça, pour essayer de trouver du coup des jeux qui m'intéressaient, des jeux qui avaient ce petit truc original. Et ces jeux-là, je les trouvais presque exclusivement dans les catégories qui s'appelaient divers ou autres sur ces sites-là, et c'était ou non classés. Et du coup, parce que justement, voilà, c'était des jeux assez inclassables qui rentraient pas dans les autres catégories. Donc, quand je suis arrivé à créer quand j'en suis arrivé à créer le jeu Vipo et à me dire, bon, mais qu'est-ce que je vais mettre comme système de catégorie? Mais une catégorie par temps de jeu, finalement, c'est la seule qui m'a semblé pertinente pour parler de ces jeux-là, qui étaient justement inclassables, qu'on peut pas vraiment mettre dans d'autres, dans des cases, quoi. En parlant des questions, comment en es-tu arrivé à comment en es-tu arrivé à créer le jeu Vipo? Je l'ai créé en 2010, début 2010. Au départ, je savais pas trop, comme je disais, je savais pas forcément trop ce que je faisais. Je jouais beaucoup à des jeux Flash, je jouais beaucoup à des Escape Rooms à cette époque-là, notamment. Et c'est là où c'est en jouant à ce genre de jeu que j'ai découvert pas mal de créations qui m'ont surprise. Il y avait la série Grow, par exemple. Il y avait les jeux de JMTB02, John Conway, je crois, son nom. Donc du coup, parmi tous les jeux auxquels je jouais, il y avait des petites choses bizarres comme ça qui me semblaient appliquer notamment parfois des contraintes oulipiennes, parce que je suis très intéressé à côté de ça par l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Et du coup, je me suis dit, moi j'aimerais bien qu'il y ait un site qui recense ces jeux-là, ceux qui me plaisent le plus, et ceux que du coup que je trouve dans les catégories inclassables de ces sites-là, moi j'avais envie de faire un site qui regroupe ces inclassables-là. Donc c'est comme ça que c'est venu. Tout simplement, et j'avais pas encore vraiment conscience de l'existence d'une scène indépendante, ou j'avais pas encore vraiment de notion de. J'avais pas vraiment vu la notion d'auteur dans le jeu vidéo. C'était pour moi, c'était évidemment qu'ils étaient faits par des gens, mais je me posais pas la question de comment, par qui, simplement je jouais au jeu. Donc il n'y avait pas du tout l'esprit indé non plus au début de l'Ouvjeu Vipo. Alors, quand tu crées le jeu Vipo, tu t'inspires notamment de l'Oulipo, donc un mouvement de littérature. Est-ce que tu as eu l'occasion de rentrer en contact depuis que tu as créé le site avec des créateurs de jeux vidéo, et est-ce que eux-mêmes ils se reconnaissent dans cette pratique-là? Oui, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec pas mal de créateurs de jeux, oui. Mais à part quelques-uns qui sont. Déjà, l'Oulipo, c'est quelque chose dont. Déjà, c'est français. Bon, c'est un petit peu connu à l'international, mais c'est quand même un mouvement littéraire français. Donc déjà, à l'international, c'est. Les gens, ça les touche pas particulièrement comme terme. Et même côté jeux vidéo, pour la plupart des gens, c'est pas forcément leur culture, ils ont pas forcément une culture littéraire. Donc non, je pense pas que les développeurs se reconnaissent vraiment dans l'idée d'Oulipo ou même du coup d'Ouvjeu Vipo, mais ça les empêche pas de se reconnaître dans l'idée de création sous contrainte. Donc du coup les game jams, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a explosé. Et presque tous les développeurs indés sont passés ou en font fréquemment, sont passés par la game jam. Donc voilà, je dirais que dans les pratiques sont communes, mais sinon, je pense pas qu'il y ait une reconnaissance particulière dans ce mouvement-là. Voilà. Parce qu'une des spécificités de l'Oulipo, c'est aussi qu'il y a certes des contraintes dans l'écriture, mais que ces contraintes ne sont pas forcément transparentes pour le public. Est-ce que certains créateurs de jeux sont un peu dans la même démarche de dire je vais me poser un certain nombre de contraintes, il y aura un jeu dans le jeu qui sera pour les joueurs de trouver ces contraintes justement? Déjà, j'ai pas forcément l'impression que l'Oulipo cache vraiment ses contraintes. Bon, il y a toujours ce petit jeu dans le jeu, en effet, mais bon, c'est plus la performance qui est mise en avant. J'ai l'impression que l'idée d'un jeu dans le jeu pour le lecteur. Et du coup, non, j'ai pas l'impression de voir énormément ça côté indé. C'est-à-dire que la création sous contrainte, ça va être une création souvent de temps. Ça va être des contraintes de thème. Contraintes de temps, contraintes de thème, ça peut être des contraintes d'outils, mais comme les jeux, ils vont être donc publiés sur les sites des game jams en question, il y a de secret pour personne quant à ces contraintes. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment cet jeu dans le jeu, non. Pas particulièrement. Moi, il y a une question que je me demande toujours quand on voit par exemple les Ludum Dare, sorte de game jam en ligne internationale qui rassemble parfois milliers de jeux. C'est pourquoi créer des jeux, des petits jeux comme ça, expérimentaux. Qu'est-ce qui les motive ces créateurs? Je pense qu'il y a plein de raisons. La première raison, c'est que déjà quand tu débutes la game jam, je trouve que c'est quelque chose de très simple pour commencer. C'est-à-dire que si tu participes à une game jam, si tu réussis à faire un jeu, Ben, tant mieux, tu vas faire ton premier jeu, et même s'il est mauvais, même s'il est pas bon et tout, tu pourras dire aux gens, mais oui, mais je l'ai fait en 48 heures, c'est normal qu'il soit pas parfait. Et donc, ça va être beaucoup plus facile d'arriver à finir quelque chose, et d'en être fier, en passant par la game jam. Donc, pour les développeurs débutants, je dirais, c'est un excellent moyen de commencer. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, puisque j'en fais aussi des jeux, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Après, ça va être aussi un très bon moyen de prototypage. Par exemple, bon, bah, un développeur, il va avoir plein d'idées dans la tête. Ah oui, un jeu, il ferait ça, ça serait intéressant. C'est du jamais vu et tout. Mais il va pouvoir le tester. Là, il prend son week-end et il s'oblige à faire un prototype. Et du coup, il va bien voir à la suite de ça si les réactions des gens sont positives ou pas. Et si elles le sont, bah, il va peut-être pouvoir se consacrer à faire un plus gros jeu hors de Game Jam. Bon, ensuite il y a aussi un esprit de communauté parce que tu fais rarement des game jams tout seul, enfin même quand tu peux les faire tout seul chez toi, tu les fais avec d'autres gens sur internet. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose d'assez, comment dire, entraînant de sentir du coup C'est plus motivant de cette... travailler à plusieurs, Voilà, ça. c'est plus motivant de travailler à plusieurs. Sur Twitter, tu postes tes trucs, ton avancement, les autres aussi, tu regardes. Donc oui, je pense que c'est aussi extrêmement motivant. Et puis donc voilà, ça fait, je sais pas combien j'ai dit là, trois bonnes raisons. Il y en a sans doute d'autres. Après, je connais pas les motivations de tout le monde. Alors je vais te prendre au mot parce que tu as quand même glissé dans la conversation que toi-même tu participais à des game jams et que toi-même tu développais des Ouais, je jeux. m'étais mis, ouais. Du coup, tu travailles sur des jeux expérimentaux justement? Bah pas particulier, enfin je sais pas, j'aurais du mal à dire, parce que moi du coup j'ai pas du tout de formation de développeur ou de game designer ou de quoi que ce soit, donc Est-ce je me qu'il suis faut une vraiment... formation de développeur ou de game designer pour faire des jeux expérimentaux? Ouais, non, ça c'est sûr que non, je pense pas, même au contraire, je pense que venir de d'autres horizons que celui du jeu vidéo peut être bénéfique. Alors justement. Et oui, non, mais peut-être que je fais des jeux. Non, j'essaye d'expérimenter. Donc après, oui, Ouais. dans un sens, je vais faire des jeux, peut-être certains expérimentaux, puisque j'essaye des nouvelles. Moi, j'essaye dans mes jeux de trouver d'autres manières de raconter des histoires, donc de faire la narration différemment. Donc c'est toujours très basé sur les dialogues, enfin, du moins souvent. Mais c'est vrai que je vais essayer de trouver d'autres manières d'agir sur les dialogues que choisir une option parmi trois et de faire une arborescence, même si ça m'est arrivé de faire ça aussi. Donc voilà, par exemple, là il y a un jeu que j'avais fait où c'était. Je sais même plus comment il s'appelle. Saturday Night Symbiosis, je crois que c'est le dernier que j'ai fait lors d'une game jam. Et que c'est du coup, on est une fille qui organise une fête pour ses 30 ans et qui doit inviter des gens, qui doit choisir qui elle va inviter. Et en fait, la narration va simplement passer sur les personnes qu'elle a invitées. Donc en fait, les seuls choix du joueur, ça sera de choisir les personnes à inviter. Et ensuite, on va lui raconter l'histoire de la soirée. Qui va changer selon les personnes qu'il a invitées, tout simplement. C'est Donc un jeu qui se joue voilà. par texto? Non, non, par contre, mais ça a une interface un peu Skype, moche, parce que je suis pas un grand graphiste. Mais du coup, oui, ça passerait par une sorte de Skype, en fait, virtuel. Du coup, on appelle les D'accord. gens, on les invite à la soirée, ou non. Puis il y en a certains qui vont ramener à boire, il y en a certains qui vont ramener à fumer. On va voir au résultat, bah, dans la soirée, il y aura beaucoup à boire, tout le monde va être bourré ou pas, ça évolue. Il y en a qui s'aiment bien, il y en a qui s'aiment pas. Ouais, donc on est vraiment dans le récit, on est assez loin d'un FPS, quoi, dans la démarche quand Alors là même. c'est sûr, oui, c'est sûr. Mais on n'est pas si loin du coup d'une visual novel, enfin qui est un genre quand même très très exploité, bon, qui n'est plus trop expérimental en soi non plus, quoi. Mais voilà, j'essaye quand même par des petits aspects de changer des choses, de tester des nouvelles choses. Et alors, il me semble avoir compris dans nos échanges de préparation du podcast que tu as une petite activité en dehors du jeu vidéo qui touche elle aussi au jeu, un domaine que je connais un peu mieux que le jeu vidéo, à savoir le jeu de société. Oui, je suis président d'une association de jeux de société sur Marseille, qui s'appelle La Cabane à Jeux. Et en fait, bon, c'est même pas qu'une association de jeux de société, c'est une association de jeux en général, puisqu'on fait et des soirées jeux de société, et aussi des grandes animations avec des grands jeux en bois, des jeux d'adresse, des jeux de kermesse. Donc voilà, il y a un peu ces deux choses-là. Et alors, dans le cadre de cette association, est-ce que justement vous faites là aussi de la création expérimentale, puisque après tout, la création expérimentale, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle reste restreinte à l'écran. Non, il n'y a pas de raison, en effet. Mais bon, nous, on fait pas de création, hein. C'est du coup une association de joueurs surtout. Mais après, oui, moi personnellement, et du coup avec l'asso, souvent, je vais m'intéresser à des créations plus expérimentales côté jeux de société, parce que c'est pareil finalement, jouer à un jeu de société qui ressemble en tout point au précédent, c'est pas super marrant quoi. Quand tu veux un nouveau jeu de société, tu veux découvrir des choses nouvelles. Mais j'ai quand même aussi l'impression peut-être que ça expérimente plus naturellement du côté du jeu de société. Enfin, que contrairement aux jeux vidéo, où par exemple tu prends un FPS et tu prends le FPS suivant qui vont beaucoup se ressembler, dans le jeu de société, l'idée c'est quand même de faire quelque chose de nouveau à chaque fois, quoi. Parce que si tu sors ton jeu de société, que sur Trick Track, t'as toutes les critiques qui font, ça va, on connaît, c'est Ghost Stories, quoi, mais bon, ils ont remplacé les fantômes par des trolls. Bon, personne va l'acheter ce jeu-là, quoi. Donc, alors que dans le jeu vidéo, c'est pas dérangeant de dire on a remplacé les aliens par des terroristes. On a un nouveau jeu. En jeu de société, j'ai l'impression que ça marche pas, ça. Sauf avec des cas particuliers comme Monopoly, Risk, Trivial Pursuit, où il est décliné à l'infini, quoi. Et alors Mais. pourquoi d'après toi ça marche moins bien, enfin ça marche mieux de faire des copies carbone en jeu vidéo qu'en jeu de société? Alors, bonne question. Je sais pas vraiment. Est-ce que ça voudrait dire que les joueurs de jeux de société sont naturellement plus curieux d'expérimentation que les joueurs de jeux vidéo? Déjà, j'ai envie de dire, je pense que le jeu vidéo, il va. J'ai l'impression, hein, pour les grosses licences, tout ça, qu'il va beaucoup reposer sur aussi le renouvellement du public. Donc, j'ai l'impression, par exemple, que si ils font, je sais pas, Call of Duty, non, mais ouais, voilà, si on veut Call of Duty 1, bon, je sais qu'il s'appelle pas comme ça, mais bref, il y a Call of Duty 1, il y a Call of Duty 2 qui sort 2 ans plus tard, je me dis qu'ils visent peut-être pas ceux qui jouaient à Call of Duty 1, ils visent peut-être les nouveaux gamins qui ont 13-14 ans et qui veulent acheter le dernier Call of Duty. Il y a un côté presque plus produit que jeu en fait, c'est juste un produit remis au goût du jour, un FIFA, FIFA 2014, FIFA 2015. Donc peut-être qu'il y a moins cette idée de produit dans le jeu de société, mais là encore, on peut faire le rapprochement, comme je disais, voilà, les Monopoly, les risques qui sont pareils, qui sont en fait les grosses licences qui, elles, chaque année, ils en sortent un ou deux nouveaux, différents, avec des nouveaux thèmes. Et tu penses que c'est un renouvellement des joueurs ou tu penses que ce sont dans ces cas précis en jeu de société, tu Je penses que pense c'est que pour des nouveaux joueurs ou tu penses que c'est des gens qui ont déjà une précédente version? je pense que là, pour le cas des jeux de ces jeux de société qui se répètent, c'est là aussi clairement pour les nouveaux joueurs. Je pense qu'à part des gros mordus, personne n'a 3 Monopoly chez lui ou 3 risques, quoi. C'est simplement, du coup, il y a le Seigneur des Anneaux qui a du succès. On va sortir un risque, le Seigneur des Anneaux, pour attirer, du coup, peut-être les plus jeunes ou ceux qui n'ont jamais joué à risque vers risque. Donc là aussi, je pensais que c'est changer d'audience. Changer de toucher de nouveaux publics. Et maintenant, pourquoi j'ai l'impression que ça marche moins bien dans le jeu de société que le jeu vidéo, je sais pas trop. Parce que si on regarde pardon, les grands salons du jeu de société, ça va pas être les risques et les monopolies qui sont mis en avant. Alors que si on regarde les grands salons du jeu vidéo, ça va être les grosses licences, les Assassin's Creed, les Call of Duty, les FIFA. Alors, j'aurais peut-être une objection à formuler et une suggestion. Moi, je regarde plus ce qui se passe du côté du jeu de rôle que du jeu de Ah, ouais, alors là, société par en contre, je règle connais pas du tout, générale. je m'ignorais. Et je sais qu'en jeu de rôle, par exemple, c'est des éditions, des 5e, 6e, 7e éditions d'un jeu qui remportent une très très large adhésion dans les financements, y compris de gens qui ont des éditions précédentes, y compris avec des changements assez légers. Donc, finalement, c'est pas tant une question de renouvellement qu'une question de. Enfin, en tout cas, c'est pas un renouvellement des joueurs, c'est quand même plus un renouvellement du matériel auprès des mêmes joueurs. Je suis tenté de penser que c'est aussi pas mal le cas, mine de rien, en jeu vidéo. Je suis tenté de penser que D'accord. parmi les acheteurs de Diablo 3, par exemple, il y a un certain nombre d'acheteurs de Diablo 2, voire de Diablo 1. Et il y a plusieurs choses qui jouent là-dedans, notamment un phénomène qu'on n'a pas de façon à peu près certaine dans le jeu de société, qui est l'évolution des graphismes. Oui, ça compte aussi. Il n'y a pas l'évolution technique dans les jeux de société. Mais comme tu disais, là, pour ce que pour les jeux de rôle, moi j'ai l'impression que quand on va faire une 4e, 5e édition du jeu de rôle, c'est vrai que c'est pas tant un nouveau jeu qu'une amélioration du jeu précédent, une amélioration du jeu ou du produit précédent. Enfin, donc, ça a du sens de vouloir se tenir au courant. Mais c'est vrai que comme dans FIFA, oui, je pense que par exemple, ce que tu racontes est vrai pour des trucs comme FIFA, où chaque année on va acheter du coup le nouveau ou le DLC pour avoir les joueurs à jour et ce genre de choses. Donc là, c'est pareil, c'est une amélioration du jeu que tu as déjà plus qu'un nouveau jeu. Je crois que c'était Dorian qui évoquait ça dans l'émission qu'on avait fait avec lui sur les jeux et les médias. C'était que en fait sa théorie c'était que la critique du jeu de société, puisque tu citais Trick Track tout à l'heure, était obligée de s'intéresser directement aux règles en fait. C'est ça qui faisait qu'elle était sans doute la critique de jeu de société était plus profonde que le jeu vidéo ou par exemple le jeu de société puisque c'est ou le jeu de rôle. Parce qu'en Mais fait le jeu de pour. rôle c'est embarqué dans une histoire et maintenant les jeux vidéo c'est souvent ça. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ça, oui, pourquoi pas, oui. Enfin, pas Voilà, toujours, mais c'est voilà, c'est une théorie que bon voilà qu'on peut-être qu'on creusera plus tard sur la critique Mais je suis du d'accord jeu. pour dire que je trouve aussi la critique, dans l'ensemble, la critique jeux de société meilleure que la critique jeux vidéo, et notamment parce qu'ils s'intéressent aux règles, en effet. Mais alors pourquoi eux, ils se sentent obligés de s'intéresser aux règles, parce que ce que t'as dit, obligé, et que la critique vidéoludique se sent pas obligé de s'intéresser aux règles, ça, je sais pas. Parce qu'il y a d'autres choses qui en mettent plein la vue dans le jeu vidéo, on peut parler des graphismes, tout ça peut-être. Ouais. En tout cas, c'était la théorie, puis aussi, voilà, un jeu de société peut s'abstenir de graphisme. Oh, mais moi je suis persuadé qu'un jeu vidéo peut s'abstenir de graphisme aussi, mais c'est vrai que je suis peut-être pas la majorité. Il y a de ça aussi. C'est pour ça que justement, on parle de jeux indépendants et de jeux d'avant-garde aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on parle du jeu indépendant, c'est vrai que maintenant on a tendance à le voir avoir le côté rétro, pixel, etc. Quel est ton regard là-dessus? Voilà, est-ce que c'est une mode? C'est un état d'esprit? Est-ce que c'est justifié aussi? Bon, moi déjà je suis un grand amateur de rétro gaming en soi, hein. J'ai Atari, Mega Drive, tout ça chez moi. Après, la tendance jeux vidéo indé rétro, bon, qui est une tendance qui date depuis un petit moment, là. Moi c'est pas quelque chose dont je suis particulièrement friand, quoi. Enfin, si je veux du rétro, bah, du coup en effet j'allume ma Mega Drive. Bon, je pense que c'est assez facile de jouer sur la nostalgie pour du coup toucher les joueurs, quoi. C'est quelque chose de connu. Donc, c'est toujours plus simple de proposer des graphismes connus que bah, d'inventer un tout nouveau genre de graphisme, de dire bah, nous on fait de l'impressionnisme vidéoludique et on va faire un jeu vidéo et les graphismes c'est que des petits points de couleur. Bon, ça va être plus facile pour quelqu'un de rentrer dedans si c'est quelque chose qu'il connaît, qui sont des pixels qui en soi sont des petits points de couleur, mais carrés. Donc là ça va, ça gêne moins. Si c'était des ronds, je sais pas, j'en vois pas beaucoup, moi je connais pas beaucoup, pardon, des jeux vidéo avec des petits ronds à la place des petits carrés. sais Mais pas ce que après t'en on est... Ouais, je sais pas pardon. ce que t'en penses, mais moi ce que j'observe en fait dans justement dans la scène indépendante vidéoludique, en tout cas la scène indépendante connue en tout cas, c'est que en fait on tombe sur justement. Non seulement ce sont des graphismes qui font un peu vintage, en plus les mécaniques sont assez vieilles. On prend un Super Meat Boy ou un Hotline Miami, ça reste assez basique au niveau du gameplay. Justement, toi, dans la scène vraiment expérimentale que tu observes, quels sont les points d'expérimentation qui travaillent la scène justement? Bah, il y a tout. Il peut être expérimentation dans les contrôleurs. Donc là, ça va être pas forcément ce dont je vais parler sur le jeu Vipo, parce que ça va être souvent des jeux qui sont dans des installations qu'on va voir, bah, par exemple au festival The Machine ou au festival Alt Controller, qui sont, bah, par exemple des jeux, je sais pas, qui vont se jouer avec les yeux par du coup reconnaissance, bah, je sais pas comment on appelle ça, pas rétinienne, mais des mouvements des yeux, Oculaire, effectivement. oculaires, voilà, merci. Donc du coup, oui, il va y avoir plein d'expérimentations sur les casques de réalité virtuelle. Donc voilà, bon, il y a déjà toute l'expérimentation de côté contrôleur. Ensuite, bah, du coup, on parlait de graphisme. Moi déjà, expérimentation graphique en soi, je trouve ça intéressant aussi. Du coup, faire quelque chose, faire un jeu qui ne soit pas avec des pixels, ni avec, bon, des low poly, parce que c'est un petit peu le nouveau pixel art finalement, c'est normal, c'est le rétro évolué, maintenant on est sur le rétro dans Nintendo 64 quoi. Mais du coup, des graphismes novateurs, alors ça va être des graphismes, ça va être tiré d'un dessin, ça va être des graphismes qui sont faits en stop motion, des graphismes qui sont faits avec de la feutrine découpée, qui sont faites avec de la peinture à doigts, j'en sais rien. Donc ça va être une expérimentation qui n'est pas forcément du côté du gameplay. Et ensuite, toutes les expérimentations du côté du gameplay, vraiment là, ça peut être n'importe quoi en fait. Les possibilités sont assez infinies finalement, et que on se cantonne souvent à une dizaine, allez, je sais pas, vingtaine de genres et sous-genres, alors qu'en fait, on peut tout faire avec un jeu vidéo en soi. Et c'est aussi le cas dans le jeu de société, puisque effectivement, on connaît pas forcément la scène expérimentale du jeu de société. A priori, alors moi je saurais pas dire quelle est la scène expérimentale du jeu de société, par exemple, mais j'ai l'impression quand même, par exemple dans le jeu de société, on va avoir beaucoup plus de mal à classifier tous les jeux en genre. Je pense que ça va être plus difficile. Alors on va pouvoir quantifier le hasard, on va dire ça c'est un jeu vraiment qui repose beaucoup sur le hasard, on va dire ça c'est un jeu qui repose beaucoup sur la stratégie, mais on va pas dire ça c'est un... je sais pas, un colon de Catan-like, quoi. On va dire, il y a les jeux à l'allemande, il y a quand même les jeux à l'américaine et les jeux à l'allemande. Voilà, mais c'est des tendances, parce qu'entre jeux à l'allemande, si tu compares en soi, Agricola et les colons de Catan, en soi, dans les mécanismes, il n'y a pas grand chose à voir. Alors en effet, il y a de la gestion, il y a des petits cubes, mais ils vont être quand même très différents. J'ai l'impression. Effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'on a parfois la sensation que, par nature, chaque nouvelle sortie en jeu de société est en soi un petit peu expérimentale. Ouais. Et qui va reprendre évidemment des mécanismes qui existent déjà, parce que c'est jamais purement expérimental. Ça peut arriver que ça soit purement nouveau, mais souvent ça reprend des mécanismes. On va dire, alors allez, ça va être un petit peu comme dans Seven Wonders, et puis là je dis n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de dédain Seven Wonders. Les mécanismes, c'est des mécanismes existants qui sont repris, mais qu'on va essayer on va essayer d'innover, on va essayer de faire autrement, j'ai l'impression, presque systématiquement dans le jeu de société. Est-ce que le rapport au code, le fait que dans le jeu de société, n'importe qui puisse créer, se lancer dans le game design sans avoir du tout à toucher au code, et du coup en pouvant travailler aussi dans des équipes beaucoup, beaucoup plus réduites, voire en travaillant tout seul assez simplement, ça change des choses d'après toi? J'ai envie de dire, oui et non, parce que d'un côté, un jeu de société, ça sera toujours le travail d'un ou d'un petit groupe d'auteurs. Un jeu de société, en tout cas, il n'y a pas aucun jeu de société qui est fabriqué par des centaines de personnes. Alors que dans le jeu vidéo, les plus grosses productions, c'est pas une, cinq, dix personnes, c'est des centaines. Et non, parce que le jeu vidéo, il peut lui aussi être fait tout seul dans son coin, sans compétences particulières. Aujourd'hui, maintenant, il y a plein d'outils, plein de middleware qui permettent de créer des jeux sans aucune expérience de programmation. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu m'y mettre aussi, hein, puisque j'en ai aucune. Et donc, du coup, dans ce sens-là, donc c'est très similaire. Pas besoin d'être nombreux. Et j'ai oublié un peu la question de base, mais... mais c'est pas grave. C'est... Mais je voulais faire cette distinction. Moi, je sais que c'est une question qui me traverse souvent. On connaît les auteurs littéraires, on connaît la politique des auteurs au cinéma. Maintenant, on commence à dire qu'il y a du jeu vidéo d'auteur. Est-ce qu'il y a du jeu de société d'auteur? Et comment ça se traduit? Parce qu'on... Moi, par exemple, je sais pas, j'aime beaucoup Antoine Boza, donc... On en parle assez souvent, ouais. Ouais, mais tout le monde aime Antoine Boza, en fait. Oui, comment ne pas aimer Antoine Boza? pour moi, il y a vraiment les jeux d'Antoine Boza, je les aime beaucoup. Alors, ils se ressemblent pas, et je sais pas vraiment si on peut parler d'une patte Antoine Boza. Mais du coup, peut-être. Mais du coup, j'aurais envie de dire que oui, les jeux de société, presque dans la majeure partie des cas, je sais pas si c'est dans la majeure partie des cas, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'autres. Il y en a pas beaucoup, mais. Non, mais il y a des auteurs identifiés, ouais. Philippe Despalières, Roberto Fraga. Identifiés, français, américain, allemand. Ouais. Et les jeux les plus vendus, outre du coup, comme on a dit, les poncifs Monopoly, tout ça, j'ai l'impression que les jeux les plus connus, on connaît les plus vendus, on va connaître leur auteur en fait. Je sais pas, j'ai pas la liste des meilleures Ah, dans ventes. les plus dans les grosses ventes, alors j'ai pas une Mais liste alors dans ceux qui à sont jour, primés, mais alors, au moins, dans ceux qui vont être primés, par oui, bah exemple, dans au ceux qui sont primés, festival des jeux de effectivement. société, alors que bah, c'est pas forcément le cas du coup côté jeux vidéo, hein, dans les festivals de jeux vidéo, voilà, comme je disais, c'est pas forcément sur les jeux vidéo entre guillemets d'auteur sur lesquels il y aura l'accent. Enfin, sauf sur les du coup les festivals plus indés, évidemment. Oui, voilà, dans les festivals indés, comme j'imagine dans un certain nombre dans les game jams, peut-être pour des gens qui participent régulièrement, on commence à repérer quelques noms, notamment des gens qui, je présume, hein, ont des vocations à être potentiellement, s'ils ne le sont pas déjà avant, embauchés dans des boîtes de jeux vidéo après. Ouais, je sais pas si c'est le but du coup des développeurs en Non, non, mais indé, sans être le but, mais j'imagine que ça peut être un effet de bord, c'est-à-dire ah que oui, ça peut, c'est ouais. l'occasion de pratiquer, de s'améliorer et puis de se faire remarquer aussi un peu quand même. Bah ouais, mais j'ai l'impression que la tendance, elle est plutôt à quitter les studios de jeux vidéo pour faire un cavalier seul et monter son petit studio et faire son projet Kickstarter. Je pense Ah, du coup, que ce qui est une autre façon de se faire remarquer, effectivement, pas en oui, mais gros voilà, donc studio, mais. se faire remarquer, voilà, oui, ça c'est important, et du coup, et les game jams et tout, en sont un moyen de se faire remarquer, et les petits jeux indés aussi. En parlant de jeux indés toujours, depuis que tu as monté Loup-Jeu-Vipo, ça fait maintenant à peu près 5 ans, Bah, plus de 5 ans, ouais. même plus de 5 ans, tu as senti, en termes peut-être aussi d'affluence, un changement du côté des utilisateurs cette fois? Bah, pas vraiment, non. Bah, je Est-ce qu'il y aura pense un que accroissement de la population, pas force, pas particulièrement. Moi, j'ai pas vraiment repéré ça. Je sais pas, c'est peut-être passé de la deuxième année à la cinquième année. C'est peut-être passé du simple au double. Quand Ce qui même. du coup est oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur des petits chiffres, hein, donc du simple au double, c'est pas énorme, hein. Ça va être 200-300 visites par jour, pas plus que ça. Donc du coup, non, c'est pas un accroissement énorme, je trouve. Mais après, bon, moi je sais que j'ai l'impression que les gens s'y intéressent un peu plus quand même, donc sur Twitter, Facebook, tout ça. Après, au niveau des visites, moi personnellement, là sur le site, j'ai pas ressenti. Une grosse croissance, un gros accroissement de l'intérêt pour ces jeux, mais c'est peut-être simplement aussi qu'ils trouvent pas Loup-Jeu-Vipo ou qu'ils vont ailleurs. Ouais, effectivement, on parle effectivement du public. Je pense que c'était là où Manu voulait aller. C'était que effectivement, on sent, en tout cas, qu'il y a des frémissements au sein du public, qu'il commence peut-être à y avoir un intérêt pour la scène indépendante, en tout Alors pour cas. la scène indé, c'est sûr, oui, ça c'est sûr que l'intérêt pour la scène indé, il a énormément grandi. Et même en 5 ans, moi c'est quelque chose que j'ai pu observer. Et que bah, du coup, il y a 5 ans, des jeux indés à succès, bon il y en avait, hein, il y avait, bah, je sais pas, les World of Goo, il y avait Braid, il y avait, ouais, voilà, il y avait déjà des grands noms comme ça qui étaient sortis du lot. Mais il y avait Minecraft 2010, 2009, Minecraft. Qui okay, effectivement. Mais sauf que maintenant, des jeux indés à succès, voilà, on les compte plus sur les doigts de la main comme avant. Maintenant, on peut en citer plein. Et alors, ça va pas forcément être des aussi gros succès que Minecraft, évidemment, mais il y a plein de jeux indés qui marchent maintenant, j'ai l'impression, et plein de gens qui ont réussi à vivre, bon, au moins, je sais pas, au moins quelques années, au moins une année, avec leur création indé. Effectivement, on voit donc ce que je disais, c'était que le public commence à avoir un intérêt sur le jeu qui expérimente. Est-ce que du côté des auteurs, justement, ça se fédère? Parce que moi, c'est ça que j'ai ressenti. Tu as évoqué Braid, Jonathan Blow a quand même créé l'Indiecade, qui est un fonds d'aide aux auteurs de jeux indépendants. Est-ce que dans la scène expérimentale, on retrouve peut-être ce ralliement aussi pour faire connaître cette voie de l'expérimentation? Bah alors il y a des collectifs, donc déjà ça va être voilà, il va y avoir des développeurs indés qui vont se rassembler en collectif déjà, donc c'est déjà une manière aussi de, comme tu dis, du coup de se rassembler, de faire quelque chose ensemble. Ensuite il va y avoir les festivals sur lesquels les développeurs ils vont se retrouver, tout ça. Et du coup de plus en plus de festivals qui vont être dédiés, ben, non seulement du coup à la scène indépendante, mais aussi à des créations du coup plus expérimentales. Voilà, je citais The Machine tout à l'heure, l'exposition Alt Controller, qui est consacrée, voilà, à des trucs très très expérimentaux, très très alternatifs. Et voilà, oui, non, mais je pense que oui, un peu de ça. Du coup, ça, les développeurs, oui, vont se rassembler, vont essayer de faire des choses ensemble. Ça se je sais plus quel mot t'as utilisé. Ça se fédère. Ça se fédère un petit peu, oui. Oui. Gentiment. Qu'est-ce qui t'a, toi, décidé à choisir de traiter sur le jeu Vipo des jeux gratuits? Parce que on a cité un certain nombre de jeux là. Alors, c'est vrai, certes, dans la scène indépendante, pas nécessairement expérimentaux, peut-être à tes yeux, je ne sais pas. On parlait de Braid ou de Si, Minecraft, si, si, mais en tout complètement, ouais. cas, qu'est-ce qui était le facteur qui t'a fait décider, toi, Eh de ben, traiter des jeux gratuits et pas des jeux payants? y a déjà un facteur économique, parce que si je dois traiter d'un jeu tous les jours et que je dois l'acheter à chaque fois, bah ça va finir par me revenir cher à l'année, déjà. Et bah ensuite, c'est simplement que du coup, à l'époque, du coup, quand je commençais à aller au jeu Vipo, j'étais vraiment sur les jeux gratuits, j'étais vraiment sur les jeux web, les jeux flash, et que en fait, les jeux vidéo indés se vendaient pas tellement, du coup, ou alors je les voyais pas. Parce que du coup, à part les grands exemples comme ça cités plus tôt, il n'y avait pas vraiment de plateforme. Là maintenant, il y a des plateformes. Il y a par exemple itch.io qui permet d'acheter plein de jeux indépendants à 1 euro, à 5 euros, à 10 euros. Il y a GOG.com qui vend de l'indépendant. Bon, il y a Steam. Moi, j'ai jamais utilisé Steam, donc peut-être qu'il y avait déjà quelques indépendants sur Steam à l'époque, je ne sais pas. Mais du coup, oui, voilà, donc c'est simplement parce que c'est plus simple s'il faut faire des articles fréquemment d'être sur le gratuit. Ça va être des jeux plus courts aussi, parce que j'ai une sorte de temps d'attention très très limité. Et je vais me lasser très très vite des jeux, en général. Donc quand ils durent moins d'une demi-heure, c'est parfait pour moi. Et donc bon, payer pour un jeu qui dure moins d'une demi-heure, pourquoi pas, mais faut qu'il soit bon quand même. Ouais, Qu'il puisse se le parce permettre, que. quoi. Quelque chose du genre de Monument Valley, tu vois. Bon là, ok. T'as payé 3 euros, t'as 1 heure de jeu, mais bon, t'es ravi à la fin, donc y a pas de problème. Et oui, sinon, même moi, en fait, ça fait pas depuis très très longtemps que j'achète des jeux, déjà, tout court. Et bon, il se trouve qu'ils sont indés, ceux que j'achète, mais moi, voilà, j'ai pas forcément une culture gamer à la base, j'ai jamais trop trop acheté de jeux vidéo dans ma jeunesse. Quand j'étais ado, j'en achetais quelques-uns sur PC, en promo, à la Fnac, mais c'est tout. Et je crois que ouais, c'est vraiment il n'y a pas longtemps, je crois que c'est avec Faster Than Light. Je suis tombé sur Faster Than Light un jour, j'ai acheté ça, j'y ai passé des centaines d'heures, je me suis dit ah, peut-être que je vais regarder s'il y a d'autres trucs à acheter, parce qu'en fait, quand le jeu il est bon, il arrive à capter mon attention. Vraiment. Ah oui, parce que là, Non, effectivement, on n'est pas dans le jeu qui dure moins d'une demi-heure quand même. alors là voilà, lui il m'a vraiment accroché. Donc c'est juste depuis Faster Than Light, je dirais que maintenant j'achète le jeu indé et que je pourrais en parler aussi. Mais bon, du coup j'ai choisi le gratuit au départ, je reste là-dessus. Sur le jeu Vipo du moins. Toujours dans l'expérimental, on a effectivement l'Oulipo en littérature, le jeu Vipo donc en jeu vidéo, mais on est quand même finalement pas très très loin de l'art numérique, en l'occurrence quand on parle de jeu vidéo, avec des problématiques d'interaction, enfin vrai, dans des formes qui touchent à l'art contemporain et peut-être plus aux arts graphiques de façon générale. Tu as été chercher un peu de ce côté-là aussi pour voir si des plasticiens par exemple qui mettraient en place des expérimentations pourraient commencer à produire des choses qui ont leur place dans le jeu Vipo. J'ai été contacté justement il y a pas si longtemps par un artiste contemporain qui a jamais touché aux jeux vidéo et qui avait envie de s'y mettre, qui m'a demandé des conseils, tout ça. Donc je vais pas dire son nom parce que je pense que c'est pas officiel, pas public ou quoi. Mais donc du coup ouais voilà, oui, c'est déjà la preuve qu'il s'y intéresse. Et après moi mais après non, je n'ai pas vu moi beaucoup d'autres exemples de gens venus vraiment des arts numériques qui vont vers le jeu vidéo. Mais je pense que ça va se faire de plus en plus parce que moi je vois ça un peu comme c'est un peu une sorte d'avenir d'avenir. Non, c'est idiot de dire l'avenir, mais c'est en tout cas une bonne branche possible pour tout ce qui est art contemporain, d'aller du coup vers le numérique, vers des choses comme ça. Je suis sûr que ça se fait déjà un petit peu, sans parler aller jusqu'au jeu vidéo, mais au moins vers le numérique. Mais après je connais assez peu ce milieu encore quand même, donc Ce serait une porte vers une certaine légitimité aux yeux du grand public? Peut-être. Je sais. Pas forcément, parce que du coup, le grand public pourrait considérer que c'est deux choses différentes et que du coup, voilà, comme il y a eu des débats sur l'art dans le jeu vidéo, ces jeux vidéo-là, c'est de l'art, mais ceux-là, non. Que moi, je trouve ça idiot, puisque bon, je considère que tout c'est un art de toute façon, donc tout est art. Après, il peut y avoir du bon ou du mauvais. Mais pour le grand public, je sais pas. Je pense que là, il y a Kanye West qui a parlé de faire un jeu vidéo. Et un projet assez personnel sur sa mère et tout, je me dis qu'il y a plus de chances que ça attire le grand public, que ça change l'image que le grand public a du jeu vidéo, que l'art contemporain finalement. J'attends avec impatience le jeu de Kanye West. J'espère qu'il sera bon, qu'il va pas foirer ce coup-là. Tu vas le tester du coup? Ah oui. S'il est gratuit, j'en parlerai sans doute sur le jeu Lipo, s'il est gratuit et qu'il est bien. Bon, je vais pas parier là-dessus non plus. Kanye West, je suis pas forcément fan de ces dernières du Kanye West de ces dernières années, donc pas sûr que ça soit génial côté jeu vidéo. Mais là, j'attends avec impatience. Je me dis que ça peut changer pas mal de choses dans l'image que les gens ont du jeu vidéo, ouais, si c'est réussi. Justement, on parle de Kanye West et c'est intéressant parce que voilà, c'est quand même quelqu'un Parlons qui Kanye est. West. Parlons de Kanye West. En fait, c'est tout simplement quelqu'un qui parle à la culture de masse, qui dit culture de masse, dit quand même industrie de la culture. Et du coup, la question se pose de c'est quoi le business model d'un jeu expérimental ou indépendant? Ben alors, dans le cadre de moi, bon, en tout cas des jeux expérimentaux dont je vais parler sur Loujevipo, ben, je vais dire que de business model, il n'y en a pas vraiment, puisque c'est des jeux gratuits. Donc, Les ça peut plateformes être. rémunèrent pas, par exemple, les plateformes d'hébergement de jeux ne rémunèrent pas les auteurs. Si, mais je crois pas que ça soit non plus. Ben, pour être sur des plateformes, donc du coup sur Kongregate, des trucs comme ça, je pense que ça commence à rémunérer de manière intéressante quand tu arrives à un niveau de vue assez exceptionnel, quoi. C'est un peu comme des vidéos sur YouTube. Comme business model, je pense que ça va se valoir seulement si tu fais des choses justement pas trop expérimentales et juste de qualité qui plaisent au plus grand nombre. C'est vraiment juste le prototype gratuit, un peu comme ce qu'avait fait, je Donc, crois que ouais. la team. Oui, pour la petite histoire, il y avait S'il y a business model, il va y avoir le truc de voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple, avec MGM, prototyper, bah, finalement, c'est un business model en un sens. On fait un jeu gratuit, on voit s'il plaît aux gens, et puis s'il plaît aux gens, bah, on le développe, on en fait un plus gros et on le vend. Voilà, le business model, c'est pour ça. Mais ensuite, je pense que du côté de l'expérimentation, je pense pas que les gens ils fassent ça pour l'argent, quoi. Je suis sûr qu'ils aimeraient bien en gagner assez pour vivre avec leur jeu, hein, mais. Je pense pas que ce soit la motivation première, quoi qu'il arrive, et peut-être même pas secondaire, pour le coup. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se jouent sur les plateformes mobiles où là on commence à avoir des choses un petit peu expérimentales? Je pense Ah aux productions d'un studio comme Simogo par exemple, ouais. ou Game Oven, qui propose des expériences de jeu assez différentes de ce qu'on voit habituellement, et pour le coup sur des formats payants, hein, on n'est pas dans des free-to-play, à des tarifs raisonnables, mais du coup qui permettent de générer un peu de revenus quand même. Ah oui, sur mobile, oui, déjà c'est un petit peu différent. Sur mobile, il y a plus, il y a déjà un peu plus l'habitude des gens de payer 1 ou 2 euros pour un jeu. Alors que c'est vrai que sur PC, par exemple, on paye 1 ou 2 euros pour un jeu, c'est pas si, je pense pas que ça soit quelque chose de commun, finalement. Et c'est les choses qu'essayent de démocratiser des plateformes comme itch.io, par exemple. Mais oui, sur mobile, ça va, je pense, ça peut pouvoir rapporter plus et être plus efficace, voilà, en termes de rapporter plus de revenus, quoi, simplement. Et niveau expérimentation sur mobile, bah oui, il y a par exemple le Monument Valley qui est super original et qui a fait quand même pas mal de ventes, hein, j'ai aucun chiffre en tête et qui a réussi du coup à décrocher, je sais pas combien de prix à la Game Developer Conference. Donc qui du coup ne traite pas que du jeu mobile, qui traite du jeu vidéo en général. Bah voilà, donc je trouve ça assez génial que du coup des jeux mobiles expérimentaux arrivent à du coup s'imposer vraiment au grand public pour le coup, ou à une bonne partie du grand public. Ouais, voilà. C'est intéressant parce que ça fait un J'arrive parallèle jamais à finir mes phrases, je à. suis désolé. C'est pas grave. Je sais pas où je vais. Y a un point qui moi, m'intéresse. Tout à l'heure, tu disais que, quand même, il y a l'air d'avoir beaucoup d'expérimentation au niveau de l'interface homme-machine, de comment l'homme interagit donc avec le jeu. Et là, justement, le mobile, notamment le tactile, hein, parce que on parle quand même de mobile tactile. Avec gyroscope, c'est ça peut-être qui provoquerait l'acte d'achat, selon toi? Le fait que ce soit tactile? Ouais. Non, enfin je vois pas vraiment pourquoi ça jouerait beaucoup. Je pense que ce qui provoque l'acte d'achat, c'est des habitudes qui ont été prises. Surtout, c'est que du coup, bah, les premiers smartphones qui ont été démocratisés, ça va être les iPhones. Et sur iPhone, bah, une appli, bah, ça coûtait 1 euro ou 2 euros. Donc du coup, les gens trouvent ça normal d'acheter des choses sur mobile maintenant. Alors que sur PC, on peut pirater assez facilement. C'est ça le. Oui, et que bah, du coup, disons que les petits jeux sur PC, on a pris l'habitude à ce qu'ils soient gratuits, les petits jeux. Voilà, on a eu l'habitude de les jouer en flash, tout ça. alors que sur mobile, bah, dès le début, les petits jeux, ils étaient payants. Ou alors, bon, évidemment, il y en a plein de gratuits, il y a une majorité de gratuits maintenant sur mobile. Mais du coup, là, c'est encore autre chose. C'est du free-to-play, c'est d'autres modèles, ça n'a rien à voir. Autre point qui m'a intéressé, j'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus c'était sur quel site, que... En tout cas, les développeurs indépendants grand public faisaient de plus en plus de suites de leurs jeux. On voit que, ouais. Par exemple, la Team Meat a refait son Binding of Isaac, Hotline Miami qui sort son deuxième épisode. On voit qu'il y en a un qui marche, on met plein de pognon et après on en refait un deuxième pour faire jouer la machine à sous. Bah ouais. Est-ce que ça, mine de rien, ça permet de faire suivre une narration, d'améliorer certains éléments de gameplay. Est-ce que justement dans la scène expérimentale gratuite où voilà, il n'y a pas vraiment de business model, est-ce qu'on arrive quand même à avoir une évolution de jeu en jeu? Est-ce que voilà, il y a des mécaniques qui sont retravaillées par des auteurs? Oui, mais ça va pas prendre la forme de suite. Je pense que ça va être, comme je disais, si le jeu, voilà, le petit jeu expérimental, il a été fait en 48 heures. Si du coup il y a suite, bah, ça va être du coup quelque chose qui va au contraire être fait en plusieurs mois, qui va peut-être être une version commerciale. Donc ça va être tout de suite un grand saut. C'est pas une petite, un petit plus. Ça va pas être un deuxième jeu expérimental derrière. Oui, voilà. L'idée, ça va pas être de satisfaire les fans, dans le cas où tu fais une suite à un jeu expérimental, ça va pas être l'idée de satisfaire les fans du premier, ça va être simplement bah, de maintenant bah, permettre à plus de joueurs de découvrir ce jeu, et donc du coup, lui donner des graphismes un peu plus sexy, rajouter du contenu, tout ça. Ça va être plus trouver plus de joueurs que de satisfaire des fans, un public déjà acquis, puisque dans les petits jeux expérimentaux, après tout, les publics restent assez limités, sauf exception. Alors c'est marrant parce que moi ça me fait penser à un jeu qui nous a pas mal marqué, moi et Emmanuel, c'était Most Pretentious Game qui avait eu des suites, je pense que peut-être tu as eu l'occasion. C'était celui-ci, non, là je le vois pas. C'était les carrés, ils avaient une histoire d'amour. Il y a des petites histoires, et... c'était ouais. Pas si mal, ouais, c'était bien ça. Oui, du coup, il y avait, et que ça, quand même, du coup, la narration de ces petits carrés était liée au gameplay. Ouais, c'était celui-là. C'était assez malin, oui, en effet, ouais, lui, du coup, je vois ça. Il a eu des suites, j'avais pas vu. Mais du coup, j'ai même pas joué à ces suites, du coup. Ah, bah en fait, oui, il a eu des suites, alors je sais plus la plateforme, et ensuite il a été commercialisé, mais après des suites, notamment sur Tactile, si je dis pas de bêtises. Ben là, je pense que pour le coup, le premier avait dû avoir un gros succès sur les plateformes Armor Game, Kongregate, tout ça, du coup, pour motiver cette suite, j'imagine. Sans doute, je sais pas. Écoute, on va essayer de trouver leur mail. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, pour le coup, c'est pas tant des suites qu'il y a un premier chapitre effectivement disponible gratuitement et puis les autres sont ensuite payants. Je crois qu'ils en sont quatrième ou cinquième. Effectivement, en développant l'histoire et en développant vraiment les éléments. Et autant le premier chapitre, c'est vraiment la mise en place du jeu, autant c'est dans les chapitres suivants qu'on va vraiment pousser les choses. Ah bah alors du coup j'en suis resté à la mise en place, alors j'ai pas découvert le reste encore, bah j'essaierai du coup. Mais finalement ça c'est une approche qui revient un peu à la culture de la démo dans les années 90-2000 mm-hmm. où on avait droit à quelques niveaux et puis où on pouvait débloquer le reste en achetant un code ou en achetant le jeu complet, Ouais, et ça se fait pas mal sur mobile du coup, ce truc là encore, de la démo du début gratuit et de la suite payante. Mais là dans le cas de Pretentious Game je pense que c'est un peu différent, puisque je pense que du coup, quand il a développé le premier, c'était pas dans l'idée d'en faire une suite, c'est juste qu'il a développé le premier, ça a marché, et que du coup, après, il a fait une suite. Mmh. Alors que la démo, c'est pas parce que du coup, la démo de StarCraft a bien marché qu'après, ils ont fait StarCraft, quoi. Effectivement. Il était déjà prêt, quoi. Là, on a parlé d'un jeu qui nous a marqué, moi et Manu. Toi, dans ton expérience critique du jeu, mm-hmm. Que ce soit dans le jeu de société ou dans les jeux expérimentaux que tu analyses, quels sont les jeux qui t'ont marqué là ces derniers temps? C'est compliqué comme question. Beaucoup de jeux qui me marquent, mais alors là ces derniers temps, à quoi j'ai pu jouer ces derniers temps? Le petit Sandstorm de Managor là qui m'a beaucoup plu ces derniers temps. Ah oui, Shelter aussi qui m'a beaucoup marqué. Celui où on joue un blaireau, c'est ça ? Une maman blaireau, ouais. Ça m'a beaucoup, beaucoup ému, ce jeu. Il m'a beaucoup plu, du coup, dans la scène, du coup, indé payante, là, pour le coup. Sinon, le jeu qui m'a énormément marqué cette année, l'année dernière, mais je retarde, c'est XCOM Enemy Unknown, qui n'a rien de... rien d'expérimental ni d'indépendant, mais là pour le coup, mais voilà, là pour le coup, bon, ok, c'est un jeu qui a coûté beaucoup d'argent, qui a demandé le travail de beaucoup de gens, qui n'est pas particulièrement original puisque c'est encore un remake des vieux XCOM, mais bon, voilà, à partir du moment où c'est parfait, moi ça me dérange pas si j'ai déjà vu. Et après, dans la scène vraiment tout petits indés, bah, je sais pas, ces derniers temps, qu'est-ce qui m'a beaucoup plu? Là, je suis en train de scroller les pages de Jeux Vipo pour voir. Bah, je sais pas, bah voilà, aujourd'hui, bah voilà, il y en a un qui m'a marqué aujourd'hui, parce qu'ils me marquent tous, moi, voilà. C'est Telepathic Simulator, Telepathy Trainer 2015. Et donc, c'est un jeu de flex roman pour s'exercer à la, bah, pas à la télépathie du coup, mais plus à la télékinésie. Donc pour bouger des objets à distance. Et donc en fait, on va avoir nos doigts rivés sur le clavier sur des touches demandées pour lancer le jeu. Donc ça va être CTRL, ALT, MAJ, barre espace, et puis l'autre main sur la souris avec les deux boutons enfoncés. Et ensuite, on doit presser les touches qui s'affichent à l'écran. Mais du coup, on a nos mains prises, donc on est obligé de se concentrer, de les presser par la force de notre esprit. Et ça, je trouvais ça très très très très marrant, très très innovant. D'autant que du coup finalement on se retrouve à jouer avec notre nez comme un con et ça rend les choses encore plus marrantes. Ah oui, du coup ça remet en question effectivement la force de l'esprit. Donc toi la télékinésie ça marche pas trop quoi. Non, moi ça a pas marché, mais peut-être ça peut marcher pour quelqu'un d'autre, ça je sais pas. Hein. C'est peut-être juste j'ai pas l'esprit qu'il faut. Mais du coup ouais non, moi j'ai joué avec mon nez et c'était très très bien. Alors le moment vraiment compliqué c'est quand j'ai essayé de prendre une capture d'écran du jeu pour en parler sur le jeu Vipo. Alors du coup donc j'avais les deux mains prises, j'appuie avec mon nez et après il fallait que j'arrive avec je sais pas le bourrail à appuyer sur capture d'écran en haut à droite du clavier. Non c'était assez technique, je suis assez content que personne m'ait vu. Mais voilà, ça c'est le genre de jeu qui me marque moi. Alors cela dit tu fais une réponse jours, de cela dit, t'as fait une réponse un peu de Suisse en disant que les jeux te marquaient tous, mais ben quand même, voilà. En 5 ans d'où je vis peau, il doit quand même bien y avoir un jeu qui t'a marqué, dont tu te souviens encore. Alors, moi, avec de l'émotion qui te parcourt la nuque. Ouais, moi j'adore les jeux de Ben Chandler. Il y en avait un, c'est I Fought the Law and the Law Won. One, genre comme un, parce qu'il doit y avoir une suite qui n'est jamais arrivée. Et là, c'était simplement un jeu d'aventure point and click assez traditionnel, mais avec donc qui était très réussi, avec des personnages très très réussis. Et une petite idée en plus, du coup, un petit truc original en plus, c'était que dans le fond, il y avait un fond musical en fait qui était une station de radio et qui elle jouait en continu. C'est-à-dire que le temps passait dans ce jeu, contrairement à d'autres point and click où le temps finalement ne passe pas tant qu'on ne fait pas d'action. Et là, le truc très intéressant, c'est qu'on sentait le temps passer, parce que du coup, on suivait au cours du jeu une émission de radio qui continuait, qui marquait les heures en temps réel, et qui n'avait en fait pas tant d'incidence sur le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, c'est lui qui m'a motivé à en faire. Donc là, voilà, je pense qu'on peut parler d'un jeu qui m'a marqué. Sinon, voilà, ceux du début de Louge Vipo, qui m'ont motivé, ça va être la série Grau. C'est un peu, du coup, on a cette grosse sphère et on met des objets dedans et ils évoluent sans qu'on comprenne bien pourquoi. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai aussi beaucoup aimé Cart Life. Donc, qui, en fait, avant, du coup, d'être un peu commercial. Enfin, non, il y avait une version gratuite, j'en avais parlé sur Louge Vipo. Et alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est un... Pas du tout. Alors, c'est un jeu qui a été primé à l'IGF, je crois, il y a quelques années, hein, du coup, peut-être depuis 2013. Et du coup, c'est une simulation de travailleurs. Et donc, on va tenir... il y a trois personnages différents, mais un des personnages, ça va être, par exemple, un immigré qui travaille dans un petit kiosque à journaux. Et donc, du coup, tous les jours, il va falloir aller dépiauter ces journaux, les vendre, calculer la monnaie rendue aux gens... discuter un peu avec les clients, puis après le soir vite aller acheter à manger, retourner à l'hôtel et payer sa chambre, galérer. Et c'est un jeu où en fait on s'amuse pas du tout et où on c'est même pas qu'on s'ennuie, c'est on galère en fait, et vraiment on expérimente la galère. Et alors qu'on a l'habitude de s'amuser dans les jeux, là il fait rien pour qu'on s'amuse. Le jeu il est éprouvant, il est répétitif, il est vraiment aliénant quoi. Et évidemment, bah, il dépeint cette image, cette aliénation du travail, les problèmes de dette, tout ça. C'est un peu en quelque sorte, on va dire, l'ancêtre de Paper Please, qui est un peu, qui a eu un peu plus de succès, qui J'allais est un peu plus citer, connu. ouais. Mais voilà, c'est vraiment le même esprit. C'est cette tâche-là, rébarbative, on va pas s'amuser, mais on va découvrir des petites histoires au cours du jeu. Et celui-ci m'avait beaucoup plu, et du coup, Paper Please aussi, hein, par la suite. On observe des artistes, des chanteurs, des peintres, des sculpteurs, que sais-je, qui se saisissent de l'actualité, des attentats, des épisodes de leur vie. Est-ce que ça se retrouve dans la scène expérimentale? Oui, bien sûr. Et donc ça se retrouve déjà dans la scène jeux vidéo, tout simplement avec ce qu'on appelle les news games, qui du coup, donc vous aviez déjà parlé, je crois, dans un précédent podcast avec Florent Morin. Donc voilà, l'idée de se saisir de l'actualité pour du coup passer bah, du coup des messages, faire comprendre Pour l'actualité, informer. pour informer, tout simplement. Et mais dans le jeu vidéo, on va le retrouver aussi. Dans le jeu vidéo, même plus expérimental, dans les game jams, tout ça, à travers un truc qui se fait de plus en plus, c'est des sortes de game jams sur l'actualité. Donc là, par exemple, donc après les attentats de Charlie Hebdo, par exemple, il y a eu une Charlie Jam organisée, où du coup, bah, des développeurs sont tous mis dans la semaine qui suivait les attentats à créer un petit jeu vidéo sur ce thème-là, sans que du coup il y ait une volonté d'informer, sans qu'il y ait un vrai message dedans, c'est une sorte de petite réaction à chaud sur le sujet. Et des jams comme ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez nouveau et il y en a de plus en plus ces dernières années. Il y avait eu la Candy Jam aussi, qui avait eu bah, énormément de succès, où c'était lorsque King.com, donc le studio, l'éditeur de Candy Crush Saga et ces jeux-là, qui voulait déposer un trademark sur les mots Candy et Saga. Et du coup, interdisant tous les autres, tout autre jeu vidéo qui aurait ces mots-là dans le titre. Et il y avait d'ailleurs eu un problème avec The Banner Saga qui sortait à ce moment-là. Et du coup, là, il y a plein de développeurs indés qui se sont tous mis à créer, du coup, en une ou deux semaines, des jeux avec simplement les mots Candy ou Saga dans le titre, juste pour, du coup, en protestation, pour troller un petit peu King.com. Et il y a eu voilà, plus de 2000 jeux comme ça qui ont été créés. Et qui là, pour le coup, bah, étaient en rapport avec une certaine actualité, mais qui n'avaient pas, du coup, que pour but d'informer quoi que ce soit, plus de sensibiliser peut-être. Parce que du coup, en effet, quand tu as une game jam, il y a 2000 développeurs qui viennent troller comme ça, King.com, bah, du coup, les journalistes, ils vont en parler, ça va être relayé, et donc, du coup, les gens se mettent au courant du problème. Donc, ouais, voilà, de plus en plus de game jam comme ça pour comment on dit, pour toucher les consciences. Il y a eu le suicide d'une jeune transsexuelle aussi, il y a pas si longtemps, qui pareil a provoqué bah, du coup beaucoup d'émoi chez les développeurs et qui là aussi a provoqué une game jam sur ce thème-là, sur du coup la prise de conscience de la transsexualité et ce genre de choses. Enfin, to raise awareness, comme ils disent en anglais. Je sais pas vraiment comment traduire ça en français. Et Ouais, j'avoue que ouais, pareil, je serais pas. voilà. Faire prendre conscience, ouais, Faire prendre il conscience, traduit mieux. voilà. Et donc, ouais, ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et c'est assez chouette, du coup. Ça fait plein de jeux en Bon. plus. Ouais, effectivement, ça fait plein de choses à analyser. Et c'est vrai que c'est agréable de voir ça en opposition à une activité grand public un peu plus malheureuse, en tout cas, notamment. Envers les femmes, bon, on va pas parler des gators, ça, comme on les appelle, mais ouais, c'est plutôt chouette de voir qu'il y a une scène comme ça. Et est-ce que la qualité des jeux est au rendez-vous? Parce que c'est vrai que bon, on peut se dire, ils utilisent ça comme étendard peut-être pour se faire repérer. Bah pas forcément, du coup c'est comme pour toute game jam finalement. Tu vas avoir après des auteurs très doués qui vont participer, tu vas avoir aussi des gens qui vont participer pour leur première fois, donc bon, un premier jeu ça peut être très bien, hein, mais pas forcément, ça va être très. Bah voilà, comme toute game jam, ça va être très varié, il y a tout, il y a du très bon, il y a jamais de très mauvais, mais il y a du très bon, il y a du moins bon. Ouais, voilà, pour la dernière jam là, donc du coup je sais plus comment elle s'appelait. C'était Jam for Lila, je crois, je sais plus quel était son prénom. Ouais, il y avait certains jeux, moi, que j'avais beaucoup aimé. Alors, il y en avait un, c'était. Comment ça marchait? Il y avait une. Le jeu ne te disait même pas vraiment, déjà, qu'il était fait pour cette jam. Et donc, tu avais une sorte de moule, et tu avais des pièces à rentrer dans le moule, simplement. Et du coup, bah, les pièces, elles rentraient pas dans le moule. Alors, c'était à toi de découper les pièces pour qu'elles rentrent bien. Et Ah as-tu oui, j'ai découpé les joué celui-là. pièces? Du coup, voilà. Et du coup, la pièce, elle criait, aïe, non, arrête, arrête. Et puis, bah, tu continues, tu avances dans les niveaux et tu continues à découper des pièces. Et puis, ça s'arrête pas, c'est un peu vain, quoi. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, mais il y a quelque chose de louche quand même. Enfin, en plus, pourquoi les pièces, elles disent, aïe, enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis, tu commences à essayer de t'attaquer au moule. Et puis, tu réalises que tu peux détruire le moule. Et pour faire rentrer toutes les pièces que tu veux. Et que bah, c'est beaucoup plus malin finalement. Et ce jeu-là, pour le coup, était très bien réussi, avec du coup une approche de thème très très intéressante. Et je pense que comme en plus il annonçait pas sa vocation, qu'il prenait un peu les joueurs par surprise et qu'il leur faisait faire des découvertes par eux-mêmes, je pense qu'il était encore plus happant, quoi, encore plus touchant, encore plus efficace. Là, il y a vraiment le gameplay qui est en accord avec le message. Et ben, on Qui arrive est le déjà. message même, ouais. Qui est le Enfin, message, qui, ouais, ouais, qui incarne vraiment le message. On arrive à bien 1 heure d'émission, du coup, ça va être l'heure bientôt de nous quitter. Et D'accord. pour clore cette voilà, on n'a pas pu tout évoquer forcément, et je pense qu'on aura d'autres occasions de t'inviter dans l'udologie. Voilà. Mais la dernière question traditionnelle de fin de podcast, c'est en ce moment, à quoi tu joues? En ce moment, les derniers jeux auxquels j'ai joué, ça va être du coup celui dont j'ai parlé de Telepathy Trainer 2015. Sinon, là, j'ai joué à Octodad, enfin. J'avais joué du coup à la première version d'Octodad, qui était gratuite, qui était un projet étudiant. Et là, donc récemment, là, j'ai joué à Octodad Deadliest Catch, le jeu commercial, là, qui m'a beaucoup plu, du coup, qui est très très réussi. Shelter 2 aussi, et qui vient de sortir. Donc, bah oui, j'avais adoré la maman Blaireau, alors il n'y avait pas de raison que j'aime pas la maman Lynx. Et puis XCOM, hein, toujours un petit peu, parce que je joue toujours un peu XCOM. J'arrive pas à m'arrêter. Et en jeu de société? En jeu de société, King of Tokyo, récemment, que j'ai découvert, donc qui date du coup d'il y a quelques années et que j'aime beaucoup, beaucoup. Concept. Qui paraît bon, qui lui est sorti plus récemment, qui est sur donc voilà l'idée de faire deviner des mots par association d'idées, par création de concept, et de ce concept qui est du coup pour le coup là très très très original et pourtant très simple à prendre en main, que même quelqu'un qui du coup joue jamais aux jeux de société peut arriver en plein milieu d'une partie et commencer à jouer. Et hop hop, quoi d'autre? Ouais, Sinon, voilà, deux, c'est. c'est bien. Ouais, deux c'est bien. Ok, Hein. bah deux alors, voilà. Concept King of Tokyo. Et ben, merci beaucoup, Pierre, pour tes réponses. Je Merci à m'appelle vous. Pierre Corbinet, Pierrec, sur le site Où je vis pot, ou son site Où je vis pot, où on peut retrouver avec de nombreuses chroniques et présentations de jeux vidéo expérimentaux, gratuits, comme vous l'aurez constaté. Du Voilà. coup, bah, vous aurez l'occasion de les essayer vous-même aussi gratuitement. C'est toujours un plus. Et puis voilà, on va se retrouver dans une quinzaine de jours avec une nouvelle thématique. Alors, pour le coup, ce sera probablement des jeux aussi un petit peu expérimentaux, hein, puisque on va aller chercher avec un invité que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre chez nous, mais qu'on fait revenir en deuxième lecture. On va aller chercher du côté des jeux qui rendent tristes, voilà, parce que on sait que les jeux qui agacent, les jeux qui amusent, les jeux qui excitent sont très nombreux, mais les jeux qui rendent tristes sont paradoxalement parfois un petit peu moins nombreux, alors qu'on en trouve pas mal de productions culturelles qui rendent tristes en littérature, en musique, en cinéma. Alors pourquoi en jeu c'est plus rare et comment est-ce que ça existe en jeu et comment est-ce que ça marche? Ben voilà, on va avoir plein plein de questions à poser à un invité qui, j'espère, aura la voix claire pour nous donner plein plein de réponses. On vous retrouve donc dans 15 jours. On remercie à nouveau Pierre Corbinet, et puis vous pourrez bien Merci à entendu vous. retrouver les coordonnées du site Où je vis pot dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans la description de notre podcast. Passez une bonne quinzaine et n'hésitez pas à continuer à jouer. Je crois que c'est comme ça qu'Adrien finit les podcasts habituellement.